La maison du chat qui pelote, quatrième partie. Incapable de réfléchir, l'heureuse Augustine se prêtait à l'allure onduleuse de son bonheur. Elle ne croyait pas faire encore assez en se livrant tout à l'amour permis et sain du mariage. Simple et naïve, elle ne connaissait d'ailleurs ni la coquetterie des refus, ni l'empire qu'une jeune demoiselle du grand monde se crée sur un mari par d'adroits caprices. Elle aimait trop pour calculer l'avenir et n'imaginait pas qu'une vie si délicieuse pût jamais cesser. Heureuse d'être alors tous les plaisirs de son mari, elle crut que cet inextinguible amour serait toujours pour elle la plus belle de toutes les parures, comme son dévouement et son obéissance seraient un éternel attrait. Enfin, la félicité de l'amour l'avait rendue si brillante que sa beauté lui inspira de l'orgueil et lui donna la conscience de pouvoir toujours régner sur un homme aussi facile à enflammer que Monsieur de Sommervieux. Ainsi, son état de femme ne lui apporta d'autres enseignements que ceux de l'amour. Au sein de ce bonheur, elle resta l'ignorante petite fille qui vivait obscurément, rue Saint-Denis, et ne pensa point à prendre les manières, l'instruction, le ton du monde dans lequel elle devait vivre. Ses paroles étant des paroles d'amour, elle y déployait bien une sorte de souplesse d'esprit et une certaine délicatesse d'expression, mais elle se servait du langage commun à toutes les femmes quand elles se trouvent plongées dans une passion qui semble être leur élément. Si par hasard une idée discordante avec celle de Théodore était exprimée par Augustine, le jeune artiste en riait comme on rit des premières fautes que fait un étranger, mais qui finissent par fatiguer s'il ne se corrige pas. Malgré tant d'amour à l'expiration de cette année, aussi charmante que rapide, Sommervieux sentit un matin la nécessité de reprendre ses travaux et ses habitudes. Sa femme était enceinte, il refit ses amis pendant les longues souffrances de l'année où, pour la première fois, une jeune femme nourrit un enfant. Il travailla sans doute avec ardeur. Mais parfois, il retourna chercher quelques distractions dans le grand monde. La maison où il allait le plus volontiers fut celle de la duchesse de Carigliano, qui avait fini par attirer chez elle le célèbre artiste. Quand Augustine fut rétablie, quand son fils ne réclama plus ses soins assidus, qui interdisent à une mère les plaisirs du monde, Théodore était arrivé à vouloir éprouver cette jouissance d'amour-propre que nous donne la société quand nous y apparaissons avec une belle femme, objet d'envie et d'admiration. Parcourir les salons en s'y montrant avec l'éclat emprunté de la gloire de son mari, se voir jalousée par les femmes, fut pour Augustine une nouvelle moisson de plaisir, mais ce fut le dernier reflet que devait jeter son bonheur conjugal. Elle commença par offenser la vanité de son mari, quand, malgré de vains efforts, elle laissa percer son ignorance, l'impropriété de son langage et l'étroitesse de ses idées. Domptée pendant près de 2 ans et demi par les premiers emportements de l'amour, le caractère de Sommervieux reprit, avec la tranquillité d'une possession moins jeune, sa pente et ses habitudes un moment détournées de leur cours. La poésie, la peinture et les exquises jouissances de l'imagination possèdent sur les esprits élevés des droits imprescriptibles. Ses besoins d'une âme forte n'avaient pas été trompés chez Théodore pendant ces années. Ils avaient trouvé seulement une peinture nouvelle. Quand les champs de l'amour furent parcourus, quand l'artiste eut comme les enfants cueilli des roses et des bleuets, avec une telle avidité qu'il ne s'apercevait pas que ses mains ne pouvaient plus les tenir, la scène changea. Si le peintre montrait à sa femme les croquis de ses plus belles compositions, il entendait s'écrier, comme eût fait le père Guillaume, « C'est bien joli !» Cette admiration sans chaleur ne provenait pas d'un sentiment consciencieux, mais de la croyance aux paroles de l'amour. Augustine préférait un regard au plus beau tableau. Le seul sublime qu'elle connût était celui du cœur. Enfin, Théodore ne put se refuser à l'évidence d'une vérité cruelle. Sa femme n'était pas sensible à la poésie. Elle n'habitait pas sa sphère. Elle ne le suivait pas dans tous ses caprices, dans ses improvisations, dans ses joies, dans ses douleurs. Elle marchait terre à terre dans le monde réel, tandis qu'il avait la tête dans les cieux. Les esprits ordinaires ne peuvent pas apprécier les souffrances renaissantes de l'être qui, uni à un autre par le plus intime de tous les sentiments, est obligé de refouler sans cesse les plus chères expansions de sa pensée, et de faire entrer dans le néant les images qu'une puissance magique le force à créer. Pour lui, ce supplice est d'autant plus cruel que le sentiment qu'il porte à son compagnon ordonne, par sa première loi, de ne jamais rien se dérober de l'un à l'autre et de confondre les effusions de la pensée aussi bien que les épanchements de l'âme. On ne trompe pas impunément les volontés de la nature. Elle est inexorable, comme la nécessité, qui, certes, est d'une sorte de nature sociale. Sommervieux se réfugia dans le calme et le silence de son atelier, en espérant que l'habitude de vivre avec des artistes pourrait former sa femme et développerait en elle les germes de haute intelligence engourdis que quelques esprits supérieurs croient préexistants chez tous les êtres. Mais Augustine était trop sincèrement religieuse pour ne pas être effrayée du ton des artistes. Au premier dîner que donna Théodore, elle entendit un jeune peintre disant avec cette enfantine légèreté qu'elle ne sut pas reconnaître et qui absout une plaisanterie de toute irréligion. « Mais madame, votre paradis n'est pas plus beau que la transfiguration de Raphaël. Eh bien, je me suis lassé de la regarder. » Augustine apporta donc dans cette société spirituelle un esprit de défiance qui n'échappait à personne. Elle gêna. Les artistes gênés sont impitoyables. Ils fuient ou se moquent. Madame Guillaume avait, entre autres ridicules, celui d'outrer la dignité qui lui semblait l'apanage d'une femme mariée. Et quoiqu'elle s'en fût souvent moquée, Augustine ne sut pas se défendre une légère imitation de la pruderie maternelle. Cette exagération de pudeur, que n'évitent pas toujours les femmes vertueuses, suggéra quelques épigrammes à coups de crayon dont l'innocent padinage était de trop bon goût pour que Sommervieux puisse s'en fâcher. Ses plaisanteries eussent été même plus cruelles. Elles n'étaient après tout que des représailles exercées sur lui par ses amis. Mais rien ne pouvait être très léger pour une âme qui recevait aussi facilement que celle de Théodore des impressions étrangères. Aussi éprouva-t-il insensiblement une froideur qui ne pouvait aller qu'en croissant. Pour arriver au bonheur conjugal, il faut gravir une montagne dont les trois plateaux est bien près d'un revers aussi rapide que glissant. Et l'amour du peintre le descendait. Il jugea sa femme incapable d'apprécier les considérations morales qui justifiaient à ses propres yeux la singularité de ses manières envers elle. Il se crut fort innocent en lui cachant des pensées qu'elle ne comprenait pas, et des écarts peu justifiables au tribunal d'une conscience bourgeoise. Augustine se renferma dans une douleur morne et silencieuse. Ses sentiments secrets mirent entre les deux époux un voile qui devait s'épaissir de jour en jour. Sans que son mari manquât d'égards envers elle, Augustine ne pouvait s'empêcher de trembler en lui voyant réserver pour le monde les trésors d'esprit et de grâce qu'il venait jadis mettre à ses pieds. Bientôt, elle interpréta fatalement les discours spirituels qui se tiennent dans le monde sur l'inconstance des hommes. Elle ne se plaignit pas, mais son attitude équivalait à des reproches. 3 ans après son mariage, cette femme jeune et jolie, qui passait si brillante dans son brillant équipage, qui vivait dans une sphère de gloire et de richesse, enviée de tant de gens insouciants et incapable d'apprécier justement les situations de la vie, fut en proie à de violents chagrins. Ses couleurs pâlirent, elle réfléchit, elle compara, puis le malheur lui déroula les premiers textes d'expérience. Elle résolut de rester courageusement dans le cercle de ses devoirs, en espérant que cette conduite généreuse lui ferait recouvrer tôt ou tard l'amour de son mari. Mais il n'en fut pas ainsi. Quand Sommervieux, fatigué du travail, sortait de son atelier, Augustine ne cachait pas si promptement son ouvrage que le peintre ne put apercevoir sa femme raccommodant avec toute la minutie d'une bonne ménagère le linge de la maison et le sien. Elle fournissait avec générosité, sans murmure, l'argent nécessaire pour l'égalité de son mari. Mais dans le désir de conserver la fortune de son cher Théodore, elle se montrait économe, soit pour elle, soit dans certains détails de l'administration domestique. Cette conduite est incompatible avec le laisser-aller des artistes, qui, sur la fin de leur carrière, ont tant joui de la vie qu'ils ne se demandent jamais la raison de leur ruine. Il est inutile de marquer chacune des dégradations de couleurs par lesquelles la teinte brillante de leur lune de miel s'éteignit et les mit dans une profonde obscurité. Un soir, la triste Augustine, qui depuis longtemps entendait son mari parler avec enthousiasme de Madame la Duchesse de Carigliano, reçut d'une amie quelques avis méchamment charitables sur la nature de l'attachement qu'avait conçu Sommervieux pour cette célèbre coquette de la cour impériale. À 21 ans, dans tout l'éclat de la jeunesse et de la beauté, Augustine se vit trahie pour une femme de 36 ans. En se sentant malheureuse au milieu du monde et de ses fêtes désertes pour elle, la pauvre petite ne comprit plus rien à l'admiration qu'elle y excitait, ni à l'envie qu'elle inspirait. Sa figure prit une nouvelle expression. La mélancolie versa dans ses traits la douceur de la résignation et la pâleur de l'amour dédaigné. Elle ne tarda pas à être courtisée par les hommes les plus séduisants, mais elle resta solitaire et vertueuse. Quelques paroles de dédain échappées à son mari lui donnèrent un incroyable désespoir. Une lueur fatale lui fit entrevoir les défauts de contact qui, par la suite des mesquineries de son éducation, empêchaient l'union complète de son âme avec celle de Théodore. Elle eut assez d'amour pour l'absoudre et pour se condamner. Elle pleura des larmes de sang et reconnut trop tard qu'il y ait des mésalliances d'esprit, aussi bien que des mésalliances de mœurs et de rang. En songeant aux délices printanières de son union, elle comprit l'étendue du bonheur passé. et convint en elle-même qu'une si riche moisson d'amour était une vie entière qui ne pouvait se payer que par du malheur. Cependant, elle aimait trop sincèrement pour perdre toute espérance. Aussi osa-t-elle entreprendre à 21 ans de s'instruire et de rendre son imagination au moins digne de celle qu'elle admirait. « Si je ne suis pas poète, se disait-elle, au moins je comprendrai la poésie. » Et déployant alors cette force de volonté, cette énergie que les femmes possèdent toutes quand elles aiment, Madame de Sommervieux tenta de changer son caractère, ses mœurs et ses habitudes. Mais en dévorant des volumes, en apprenant avec courage, elle ne réussit qu'à devenir moins ignorante. La légèreté d'esprit et les grâces de la conversation sont un don de la nature, ou le fruit d'une éducation commencée au berceau. Elle pouvait apprécier la musique, en jouir, mais non chanter avec goût. Elle comprit la littérature et les beautés de la poésie, mais c'était trop tard pour en orner de sa rebelle mémoire. Elle entendait avec plaisir les entretiens du monde, mais elle n'y fournissait rien de brillant. Ses idées religieuses et ses préjugés d'enfance s'opposèrent à la complète émancipation de son intelligence. Enfin, il s'était glissé contre elle, dans l'âme de Théodore, une prévention qu'elle ne put vaincre. L'artiste se moquait de ceux qui lui vantaient sa femme, et ses plaisanteries étaient assez fondées. Il imposait tellement à cette jeune et touchante créature qu'en sa présence, ou en tête à tête, elle tremblait. Embarrassée par son trop grand désir de plaire, elle sentait son esprit et ses connaissances s'évanouir dans un seul sentiment. La fidélité d'Augustine n'était plus même à cet infidèle mari qui semblait l'engager à commettre des fautes en taxant sa vertu d'insensibilité. Augustine s'efforça en vain d'abdiquer sa raison, de se plier aux caprices, aux fantaisies de son mari, et de se vouer à l'égoïsme de sa vanité. Elle ne recueillit pas le fruit de ses sacrifices. Peut-être avaient-ils tous deux laissé passer le moment où les âmes peuvent se comprendre. Un jour, le cœur trop sensible de la jeune épouse reçut un de ces coups qui font si fortement plier les liens du sentiment qu'on peut les croire rompus. Elle s'isola, mais bientôt une fatale pensée lui suggéra d'aller chercher des consolations et des conseils au sein de sa famille. Un matin donc, elle se dirigea vers la grotesque façade de l'humble et silencieuse maison où s'était écoulée son enfance. Elle soupira en voyant cette croisée d'où, un jour, elle avait envoyé un premier baiser à celui qui répandait aujourd'hui sur sa vie autant de gloire que de malheur. Rien n'était changé dans l'antre où se rajeunissait cependant le commerce de la draperie. La sœur d'Augustine occupait au comptoir antique la place de sa mère. La jeune affligée rencontra son beau-frère, la plume derrière l'oreille. Elle fut à peine écoutée tant il avait l'air affairé. Les redoutables signaux de l'inventaire général se faisaient autour de lui. Aussi la quitta-t-il en la priant d'excuser. Elle fut reçue assez froidement par sa sœur, qui lui manifesta quelques rancunes. En effet, Augustine, brillante et descendant d'un joli équipage, n'était jamais venue voir sa sœur qu'en passant. La femme du prudent Lebas s'imagina que l'argent était la cause première de cette visite matinale. Elle essaya de se maintenir sur un ton de réserve qui fit sourire plus d'une fois Augustine. La femme du peintre vit que, sauf les barbes au bonnet, sa mère avait trouvé dans Virginie un successeur qui conservait l'antique bonheur du chat qui pelote. Au déjeuner, elle aperçut, dans le régime de la maison, certains changements qui faisaient honneur au bon sens de Joseph Lebas. Les commis ne se levèrent pas au dessert. On leur laissait la faculté de parler, et l'abondance de la table annonçait une aisance sans luxe. La jeune élégante trouva les coupons d'une loge aux Français où elle se souvint d'avoir vu sa sœur de loin en loin. Madame Lebas avait sur les épaules un cachemire dont la magnificence attestait la générosité avec laquelle son mari s'occupait d'elle. Enfin, les deux époux marchaient avec leur siècle. Augustine fut bientôt pénétrée d'attendrissement, reconnaissant, pendant les deux tiers de cette journée, le bonheur égal, sans exaltation, il est vrai, mais aussi sans orage, que goûtait ce couple convenablement assorti. Ils avaient accepté la vie comme une entreprise commerciale où il s'agissait de faire, avant tout, honneur à ses affaires. En ne rencontrant pas dans son mari un amour excessif, la femme s'était appliquée à le faire naître, insensiblement amenée à estimer, à chérir Virginie. Le temps que le bonheur mit à éclore fut pour Joseph Lebas et pour sa femme un gage de durée. Aussi, lorsque la plaintive Augustine exposa sa situation douloureuse, eut-elle à essuyer le déluge de lieux communs que la morale de la rue Saint-Denis fournissait à sa sœur. « Le mal est fait, ma femme, » dit Joseph Lebas. « Il faut chercher à donner de bons conseils à notre sœur. » Puis l'habit négociant analysa lourdement les ressources que les lois et les mœurs pouvaient offrir à Augustine pour sortir de cette crise. Il en numérota, pour ainsi dire, les considérations, les rangea par leur force dans des espèces de catégories, comme s'il se fût agi de marchandises de diverses qualités. Puis il les mit en balance, les pesa, et conclut en développant la nécessité où était sa belle-sœur de prendre un parti violent qui ne satisfit point l'amour qu'elle ressentait encore pour son mari. Aussi ce sentiment se réveilla-t-il dans toute sa force quand elle entendit Joseph Lebas parlant de voie judiciaire. Augustine remercia ses deux amis et revint chez elle encore plus indécise qu'elle ne l'était avant des avant consultés. Elle hasarda de se rendre alors à l'ancien hôtel de la rue du Colombier, dans le dessein de confier ses malheurs à son père et à sa mère, car elle ressemblait à ces malades arrivés à un état désespéré, qui essayent de toutes les recettes et se confient même aux remèdes de bonne femme. Deux vieillards reçurent leur fille avec et une effusion de sentiments qui l'attendrit. Cette visite leur apportait une distraction qui, pour eux, valait un trésor. Depuis 4 ans, ils marchaient dans la vie comme des navigateurs, sans but et sans boussole. Assis au coin de leur feu, ils se racontaient l'un à l'autre tous les désastres du maximum, leurs anciennes acquisitions de draps, la manière dont ils avaient évité les banqueroutes et surtout cette célèbre faillite Lecoq, la bataille de Marengo, du père Guillaume. Puis, quand ils avaient épuisé les vieux procès, ils récapitulaient les additions de leurs inventaires les plus productifs et se narraient encore les vieilles histoires du quartier Saint-Denis. À 2 heures, le père Guillaume allait donner un coup d'œil à l'établissement du Chat qui pelote. En revenant, il s'arrêtait à toutes les boutiques, autrefois ses rivales, et dont les jeunes propriétaires espéraient entrer le vieux négociant dans quelque escompte aventureux que, selon sa coutume, il ne refusait jamais positivement. 2 bons chevaux normands mouraient de gras fondu dans l'écurie d'hôtel. Madame Guillaume ne s'en servait que pour se faire traîner tous les dimanches à la grand-messe de sa paroisse. 3 fois par semaine, ce respectable couple tenait table ouverte, grâce à l'influence de son gendre merveilleux. Le père Guillaume avait été nommé membre du comité consultatif pour l'habillement des troupes. Depuis que son mari s'était ainsi trouvé placé haut dans l'administration, Madame Guillaume avait pris la détermination de représenter. Ses appartements étaient encombrés de tant d'ornements d'or et d'argent et de meubles, sans goût, mais de valeur certaine, que la pièce la plus simple y ressemblait à une chapelle. L'économie et la prodigalité semblaient se disputer dans chacun des accessoires de cet hôtel. L'on lui dit que M. Guillaume avait eu en vue de faire un placement d'argent jusque dans l'acquisition d'un flambeau. Au milieu de ce bazar, dont la richesse accusait le désœuvrement des 2 époux, le célèbre tableau de Sommervieux avait obtenu la place d'honneur et faisait la consolation de M. et de Mme Guillaume, qui tournaient 20 fois par jour leurs yeux harnachés de vésicles vers cette image de leur ancienne existence, pour eux si active et si amusante. L'aspect de cet hôtel, de ses appartements, tout avait une senteur de vieillesse et de médiocrité. Le spectacle donné par ces 2 êtres, qui semblaient échouer sur un rocher d'or loin du monde et des idées qui font vivre, surprirent Augustine. Elle contemplait en ce moment la seconde partie du tableau, dont le commencement l'avait frappée chez Joseph Lebas, celui d'une vie agitée, quoique sans mouvement, espèce d'existence mécanique et instinctive, semblable à celle des castors. Elle eut alors je ne sais quel orgueil de ses chagrins, en pensant qu'ils prenaient leur source dans un bonheur de 18 mois qui valait à ses yeux 1000 existences, comme celle dont le vide lui semblait horrible. Cependant, elle cacha ce sentiment peu charitable et déploya pour ses vieux parents les grâces nouvelles de son esprit, les coquetteries de tendresse que l'amour lui avait révélées et les disposa favorablement à écouter ses doléances matrimoniales. Les vieilles gens ont un faible pour ces sortes de confidences. Madame Guillaume voulut être instruite des plus légers détails de cette vie étrange qui, pour elle, avait quelque chose de fabuleux. Les voyages du baron de la Houtan, qu'elle commençait toujours sans jamais les achever, ne lui apprirent rien de plus inouï sur les sauvages du Canada. Comment, mon enfant, ton mari s'enferme avec des femmes nues et tu as la simplicité de croire qu'il les dessine? À cette exclamation, la grand-mère posa ses lunettes sur une petite travailleuse, secoua ses jupons et plaça ses mains jointes sur ses genoux élevés par une chaufferette, son piédestal favori. Mais ma mère, tous les peintres sont obligés d'avoir des modèles. Il s'est bien gardé de nous dire tout cela quand il t'a demandé en mariage. Si je l'avais su, je n'aurais pas donné ma fille à un homme qui fait un pareil métier. La religion défend ces horreurs-là. Ce n'est pas moral. À quelle heure nous disais-tu donc qu'il rentre chez lui? Mais à 1 heure, 2 heures. Les 2 époux se regardèrent dans un profond étonnement. « Il joue donc ?» dit M. Guillaume. Il n'y avait que les joueurs qui, de mon temps, entra Sittard. Augustine fit une petite moue qui repoussait cette accusation. Il doit te faire passer de cruelles nuits à l'attendre, reprit Madame Guillaume. Mais non, tu te couches, n'est-ce pas? Et quand il a perdu, le monstre te réveille? Non, ma mère. Il est au contraire parfois très gai. Assez souvent même, quand il fait beau, il me propose de me lever pour aller dans les bois. Dans les bois à ces heures-là? Tu as donc un bien petit appartement qui n'a pas assez de sa chambre, de ses salons, et qu'il lui faille ainsi courir pour... Mais c'est pour t'enrhumer que le scélérat te propose ces parties-là. Il veut se débarrasser de toi. A-t-on jamais vu un homme établi qui a un commerce tranquille, galopant comme un loup-garou? Mais ma mère, vous ne comprenez donc pas que pour développer son talent, il a besoin d'exaltation. Il aime beaucoup les scènes qui... Ah, je lui en ferai de belles, des scènes, moi, s'écria Madame Guillaume en interrompant sa fille. Comment peux-tu garder des ménagements avec un homme pareil? D'abord, je n'aime pas qu'il ne boive que de l'eau. Je n'aime pas ça. Pourquoi montre-t-il de la répugnance à voir les femmes quand elles mangent? Quel singulier genre! Mais c'est un fou! Tout ce que tu nous en as dit n'est pas possible. Un homme ne peut pas partir de sa maison sans souffler mot et ne revenir que 10 jours après. Il te dit qu'il a été à Dieppe pour peindre la mer. Est-ce qu'on paie la mer? Il te fait des comptes dormir debout. Augustine ouvrit la bouche pour défendre son mari, mais Madame Guillaume lui imposa silence par un geste de main auquel un reste d'habitude la fit obéir. Et sa mère s'écria d'un ton sec : Tiens, ne me parle pas de cet homme-là. Il n'a jamais mis le pied dans une église, que pour te voir et t'épouser. Les gens sans religion sont capables de tout. Est-ce que Guillaume s'est jamais avisé de me cacher quelque chose, de rester les 3 jours sans me dire ouf, et de m'habiller ensuite comme une piborgne ? Ma chère mère, vous jugez trop sévèrement les gens supérieurs. S'ils avaient des attitudes semblables à celles des autres, ce ne seraient plus des gens à talent. Eh bien, que les gens à talent restent chez eux et ne se marient pas. Comment, un homme à talent rendra sa femme malheureuse? Et parce qu'il a du talent, ce sera bien. Talent, talent. Il n'y a pas tant de talent à dire comme lui blanc et noir à toute minute, à couper la parole aux gens, à battre du tambour chez soi, à ne jamais vous laisser savoir sur quel pied danser, à forcer une femme de ne pas s'amuser avant que les idées de monsieur ne soient gaies, d'être triste dès qu'il est triste. Mais ma mère, le propre de ces imaginations-là, qu'est-ce que c'est que ces imaginations-là? Reprit Madame Guillaume, en interrompant encore sa fille. Il en a de belles, ma foi. Qu'est-ce qu'un homme auquel il prend tout à coup, sans consulter de médecin, la fantaisie de ne manger que des légumes? Encore si c'était par religion. Sa diète lui servirait à quelque chose. Mais il n'en a pas plus qu'un huguenot. A-t-on jamais vu un homme aimer, comme lui, les chevaux plus qu'il n'aime son prochain? Se faire friser les cheveux comme un païen, coucher des statues sous de la mousseline, faire fermer ses fenêtres toujours pour travailler à la lampe? Tiens, laisse-moi, si t'es pas si grossièrement immoral, il serait bon à mettre aux petites maisons. Consulte monsieur Laureau, le vicaire de Saint-Sulpice, demande-lui son avis sur tout cela, et il te dira que ton mari ne se conduit pas comme un chrétien. Oh, ma mère, pouvez-vous croire? Oui, je le crois, tu l'as aimé, tu n'aperçois rien de ces choses-là. Mais moi, vers les premiers temps de son mariage, je me souviens de l'avoir rencontré dans les Champs-Élysées. Il était à cheval. Eh bien, il galopait par moments ventre à terre, et puis s'arrêtait pour aller au pas. Je me suis dit, alors, voilà un homme qui n'a pas de jugement. Ah, s'écria M. Guillaume en se frottant les mains, comme j'ai bien fait de t'avoir marié et séparé de bien avec cet original-là. Quand Augustine eut l'imprudence de raconter les griefs véritables qu'elle avait à exposer contre son mari, les deux vieillards restèrent muets d'indignation. Le mot de divorce fut bientôt prononcé par Madame Guillaume. Au mot de divorce, l'inactif négociant fut comme réveillé, stimulé par l'amour qu'il avait pour sa fille et aussi par l'agitation qu'un procès allait donner à sa vie sans événement. Le père Guillaume prit la parole. Il se mit à la tête de la demande en divorce, la dirigea, plaida presque. Il offrit à sa fille de se charger de tous les frais, de voir les juges, les avoués, les avocats, de remuer ciel et terre. Madame de Sommervieux, effrayée, refusa les services de son père, dit qu'elle ne voulait pas se séparer de son mari, dut-elle être 10 fois plus malheureuse encore, et ne parla plus de ses chagrins. Après avoir été accablée par ses parents de tous ces petits soins muets et consolateurs par lesquels les deux vieillards essayèrent de la dédommager, mais en vain, de ses peines de cœur, Augustine se retira, en sentant l'impossibilité de parvenir à faire bien juger les hommes supérieurs par des esprits faibles. Elle apprit qu'une femme devait cacher à tout le monde, même à ses parents, des malheurs pour lesquels on rencontre si difficilement des sympathies. Les orages et les souffrances des sphères élevées ne sont appréciés que par les nobles esprits qui les habitent. En toute chose, nous ne pouvons être jugés que par nos pairs. La pauvre Augustine se retrouva donc dans la froide atmosphère de son ménage, livrée à l'horreur de ses méditations. L'étude n'était plus rien pour elle, puisque l'étude ne lui avait pas rendu le cœur de son mari. Initiée au secret de ces âmes de feu, mais privée de leurs ressources, elle participait avec force à leurs peines, sans partager leurs plaisirs. Elle s'était dégoûtée du monde, qui lui semblait mesquin et petit devant les événements des passions. Enfin, sa vie était manquée. Un soir, elle fut frappée d'une pensée qui vint s'illuminer ses ténébreux chagrins comme un rayon céleste. Cette idée ne pouvait sourire qu'à un cœur aussi pur, aussi vertueux que l'était le sien. Elle résolut d'aller chez la duchesse de Carigliano, non pas pour lui redemander le cœur de son mari, mais pour s'y instruire des artifices qu'il lui avait enlevés. Mais pour intéresser à la mère des enfants de son ami, cette orgueilleuse femme du monde, mais pour la fléchir et la rendre complice de son bonheur à venir, comme elle était l'instrument de son malheur présent. Un jour donc, la timide Augustine, armée d'un courage surnaturel, monta en voiture à 2 heures après-midi pour essayer de pénétrer jusqu'au boudoir de la célèbre coquette qui n'était jamais visible avant cette heure-là. Madame de Sommervieux ne connaissait pas encore les antiques et somptueux hôtels du Faubourg Saint-Germain. Quand elle parcourut ces vestibules majestueux, ces escaliers grandioses, ces salons immenses, ornés de fleurs malgré les rigueurs de l'hiver, et décorés avec ce goût particulier aux femmes qui sont nées dans l'opulence ou avec les habitudes distinguées de l'aristocratie, Augustine eut un affreux serrement de cœur. Elle envia les secrets de cette élégance de laquelle elle n'avait jamais eu l'idée. Elle respira un air de grandeur qui lui expliqua l'attrait de cette maison pour son mari. Quand elle parvint aux petits appartements de la duchesse, elle éprouva de la jalousie et une sorte de désespoir en y admirant la voluptueuse disposition des meubles, des draperies et des œuvres tendues. Là, le désordre était une grâce. Là, le luxe affectait une espèce de dédain pour la richesse. Les parfums répandus dans cette douce atmosphère flattaient l'odorat sans l'offenser. Les accessoires de l'appartement s'harmonisaient avec une vue ménagée par des glaces sans teint sur les pelouses d'un jardin planté d'arbres verts. Tout était séduction, et le calcul ne s'y sentait point. Le génie de la maîtresse de ces appartements respirait tout entier dans le salon où attendait Augustine. Elle tâcha d'y deviner le caractère de sa rivale par l'aspect des objets épars. Mais il y avait là quelque chose d'impénétrable, dans le désordre, comme dans la symétrie, et pour la simple Augustine, ce fut lettre close. Tout ce qu'elle put y voir, c'est que la duchesse était une femme supérieure en tant que femme. Elle eut alors une pensée douloureuse. Hélas, serait-il vrai, se dit-elle, qu'un cœur aimant et simple ne suffit pas à un artiste? Et pour balancer le poids de ces âmes fortes, faut-il les unir à des âmes féminines dont la puissance soit pareille à la leur? Si j'avais été élevé comme cette sirène, au moins nos armes eussent été égales au moment de la lutte. Mais je n'y suis pas. Ces mots secs et brefs, quoique prononcés à voix basse dans le boudoir voisin, furent entendus par Augustine, dont le cœur palpita. Cette dame est là, répliqua la femme de chambre. Vous êtes folle. Faites au contraire, répondit la duchesse, dont la voix devenue douce avait pris l'accent affectueux de la politesse. Évidemment, elle désirait alors être entendue. Augustine s'avança timidement. Au fond de ce frais boudoir, elle vit la duchesse voluptueusement couchée sur une ottomane en velours vert placée au centre d'une espèce de demi-cercle dessiné par les plis moelleux d'une mousseline tendue sur un fond jaune. Des ornements de bronze doré disposés avec un goût exquis rehaussaient encore cette espèce de dé sous lequel la duchesse était posée comme une statue antique. La couleur foncée du velours ne lui laissait perdre aucun moyen de séduction. Un demi-jour, ami de sa beauté, semblait être plutôt un reflet qu'une lumière. Quelques fleurs rares élevaient leurs têtes embaumées au-dessus des vases de Sèvres les plus riches. Au moment où ce tableau s'offrit aux yeux d'Augustine étonnée, elle avait marché si doucement qu'elle put surprendre un regard de l'enchanteresse. Ce regard semblait dire à une personne que la femme du peintre n'aperçut pas d'abord « Restez, vous allez voir une jolie femme et vous me rendrez sa visite moins ennuyeuse. » À l'aspect d'Augustine, la duchesse se leva et la fit asseoir auprès d'elle. « À quoi dois-je le bonheur de cette visite, madame » dit-elle avec un sourire plein de grâce. « Pourquoi tant de fausseté ?» pensa Augustine, qui n'est répondu que par une inclination de tête. Ce silence était commandé. La jeune femme voyait devant elle un témoin de trop à cette scène. Ce personnage était, de tous les collègues de l'armée, le plus jeune, le plus élégant et le mieux fait. Son costume demi-bourgeois faisait ressortir des grâces de sa personne. Sa figure pleine de vie, de jeunesse et déjà fort expressive, était encore animée par de petites moustaches relevées en pointe et noires comme du jais, par une impériale bien fournie, par des favoris soigneusement peignés et par une forêt de cheveux noirs assez en désordre. Il badinait avec une cravache, en manifestant une aisance et une liberté qui seyaient à l'air satisfait de sa physionomie, ainsi qu'à la recherche de sa toilette. Les rubans attachés à sa boutonnière étaient noués avec dédain, et il paraissait bien plus vain de sa jolie tournure que de son courage. Augustine regarda la duchesse de Carigliano en lui montrant le colonel par un coup d'œil dont toutes les prières furent comprises. « Eh bien, adieu d'Aiglemont, nous nous retrouverons au bois de Boulogne. » Ces mots furent prononcés par la sirène comme s'ils étaient le résultat d'une stipulation antérieure à l'arrivée d'Augustine. Elle les accompagna d'un regard menaçant que l'officier méritait peut-être pour l'admiration qu'il témoignait, en contemplant la modeste fleur qui contrastait si bien avec l'orgueilleuse duchesse. Le jeune fat s'inclina en silence, tourna sur les talons de ses bottes et s'élança gracieusement hors du boudoir. En ce moment, Augustine épiant sa rivale qui semblait suivre des yeux le brillant officier, surprit dans ce regard un sentiment dont les fugitives expressions sont connues de toutes les femmes. Elle songea avec la douleur la plus profonde que sa visite allait être inutile. Cette artificieuse duchesse était trop avide d'hommage pour ne pas avoir le cœur sans pitié. « Madame, dit Augustine d'une voix entrecoupée, la démarche que je fais en ce moment auprès de vous va vous sembler bien singulière, mais le désespoir a sa folie et doit faire toute excuse. Je m'explique trop bien pourquoi Théodore préfère votre maison à tout autre et pourquoi votre esprit exerce tant d'empire sur lui. Hélas, je n'ai qu'à rentrer en moi-même pour en trouver des raisons plus que suffisantes. Mais j'adore mon mari, madame. 2 ans de larmes n'ont point effacé son image de mon cœur, quoique j'ai perdu le sien. Dans ma folie, j'ai osé concevoir l'idée de lutter avec vous. Et je viens à vous, vous demander par quels moyens je puis triompher de vous-même. « Oh, madame, s'écria la jeune femme, en saisissant avec ardeur la main de sa rivale qui la lui laissa prendre. Je ne prierai jamais Dieu pour mon propre bonheur avec autant de ferveur que je l'implorerai pour le vôtre. Si vous m'aidiez à reconquérir, je ne dirais pas l'amour, mais l'amitié de ce merveilleux. Je n'ai plus d'espoir qu'en vous. Ah, dites-moi, comment vous avez pu lui plaire et lui faire oublier les premiers jours de... » À ces mots, Augustine, suffoquée par des sanglots mal contenus, fut obligée de s'arrêter. Honteuse de sa faiblesse, elle cacha son visage dans un mouchoir qu'elle inonda de ses larmes. « Êtes-vous donc enfant, ma chère petite belle, dit la duchesse, qui, séduite par la nouveauté de cette scène, et attendrie, malgré elle, en recevant l'hommage que lui rendait la plus parfaite vertu qui fut peut-être à Paris, prit le mouchoir de la jeune femme et se mit à lui essuyer elle-même les yeux, en la flattant par quelques monosyllabes murmurés avec gracieuse pitié. Après un moment de silence, la coquette, emprisonnant les jolies mains de la pauvre Augustine entre les siennes, qui avait un grand caractère de beauté noble et de puissance, lui dit d'une voix douce et affectueuse, « Pour premier avis, je vous conseillerais de ne pas pleurer ainsi. » Les larmes enlaidissent. Il faut savoir prendre son parti sur les chagrins qui rendent malade, car l'amour ne reste pas longtemps sur un lit de douleur. La mélancolie donne bien d'abord une certaine grâce qui plaît, mais elle finit par allonger les traits et flétrir la plus ravissante de toutes les figures. Ensuite, nos tyrans ont l'amour propre de vouloir que leurs esclaves soient toujours gais. Ah, madame, il ne dépend pas de moi de ne pas sentir. Comment peut-on, sans éprouver 1000 morts, voire ternes, décolorées, indifférentes, une figure qui jadis rayonnait d'amour et de joie? Je ne sais pas comment dire à mon cœur. Tant pis, chère belle, mais je crois déjà savoir toute votre histoire. D'abord, imaginez-vous bien que si votre mari vous a été infidèle, je ne suis pas sa complice. Si j'ai tenu à la voir dans mon salon, c'est, je l'avouerai, par amour propre. Il était célèbre et n'allait nulle part. Je vous aime déjà trop pour vous dire toutes les folies qu'il a faites pour moi. Je ne vous en révélerai qu'une seule, parce qu'elle vous servira peut-être à vous le ramener et à le punir de l'audace qu'il met dans ses procédés avec moi. Il finirait par me compromettre. Je connais trop le monde, ma chère, pour vouloir me mettre à la discrétion d'un homme trop supérieur. Sachez qu'il faut se laisser faire la cour par eux, mais les épouser, c'est une faute. Toutes autres femmes, nous devons admirer les hommes de génie, en jouir, comme d'un spectacle. Mais vivre avec eux, jamais. Fi donc, c'est vouloir prendre plaisir à regarder les machines de l'opéra au lieu de rester dans une loge. À y savourer ces brillantes illusions. Mais chez vous, ma pauvre enfant, le mal est arrivé, n'est-ce pas? Eh bien, il faut essayer de vous armer contre la tyrannie. Ah, madame, avant d'entrer ici, en vous y voyant, j'ai déjà reconnu quelques artifices que je ne soupçonnais pas. Eh bien, venez me voir quelquefois, et vous ne serez pas longtemps sans posséder la science de ces bagatelles, d'ailleurs assez importante. Les choses extérieures sont, pour les sots, la moitié de la vie, et pour cela, plus d'un homme de talent se trouve un sot, malgré tout son esprit. Mais je gage que vous n'avez jamais rien su refuser à Théodore. Le moyen, madame, de refuser quelque chose à celui qu'on aime. Pauvre innocente, je vous adorerai pour votre niaiserie. Sachez donc que plus nous aimons, moins nous devons laisser apercevoir à un homme, surtout à un mari, l'étendue de notre passion. C'est celui qui aime le plus qui est tyrannisé, et qui pisé, délaissé tôt ou tard. Celui qui veut régner doit... Comment, madame, faudra-t-il donc dissimuler, calculer, devenir fausse, se faire un caractère artificiel et pour toujours? Oh, comment peut-on vivre ainsi? Est-ce que vous pouvez... Elle hésita. La duchesse sourit. « Ma chère, reprit la grande dame d'une voix grave, le bonheur conjugal a été de tout temps une spéculation, une affaire qui demande une attention particulière. Si vous continuez à parler passion, quand je vous parle mariage, nous ne nous entendrons bientôt plus. Écoutez-moi, continua-t-elle en prenant le ton d'une confidence. J'ai été à même de voir ces quelques-uns des hommes supérieurs de notre époque. Ceux qui se sont mariés ont, à quelques exceptions près, épousé des femmes nulles. Eh bien, ces femmes-là les gouvernaient, comme l'empereur nous gouverne, étaient, sinon aimaient, du moins respectées par eux. J'aime assez les secrets sur tout ce qui nous concerne pour m'être amusé à chercher le mot de cette énigme.